se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Ampisoussou se trouva dans l'Ampimandin. Une partie de l'Ampimandin se trouva chez la Grossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous aviser. Aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, rien ne me donne, rien ne me donne, rien ne me donne. Ils ont partagé le monde, rien ne me donne. Yes, yes. Yes. Yes. Ça va, Dakar? Vous savez pourquoi on est là? On est là pour se battre contre le paludisme. Hein? Mais je crois que ce soir, on ne peut pas non plus ne pas parler du sida qui fait mal dans la cité. Protégez-vous, les gars. C'est très grave.